lève de terre. Quoi de neuf, docteur J, comment va ta vie? Quoi de neuf, docteur J, as-tu beaucoup d'amis qui viennent chez toi de temps en temps boire l'apéro? Quoi de neuf, docteur J, est-ce que t'as de l'accro? Quoi de neuf, docteur J, tu regardes toujours les mangas? Quoi de neuf, docteur J, des baisers, tout Naruto, t'as fait ton choix. Quoi de neuf, docteur J, Bioman, t'aimes toujours ça. Dis-moi, Hentai ou Sentai, qu'est-ce qui te fait kiffer? Dis-moi, je sais bien que sur nos lives, t'aimerais bien passer. Quoi de neuf, docteur J, comment va ta divinité? Quoi de neuf, docteur J, est-ce que tu t'es marié? Musique, paillettes et surtout beaucoup d'amour. Quoi de neuf, docteur J, ton cœur a fait le tambour. Quoi de neuf, docteur J, quand est-ce que tu seras papa? Quoi de neuf, docteur J, garçon ou fille, qu'est-ce que tu préféreras? Quoi de neuf, docteur J, quoi, le bébé est déjà là. Mon Dieu, ce que le temps a défilé. Quoi de neuf, docteur J, ta vie bien remplie. Quoi de neuf, docteur J, pour qui t'a voté? Quoi de neuf, docteur J, quel est ton parti préféré? J'ai entendu que tu soutiens juste tes partis. Quoi de neuf, docteur J, à chacun ses envies. Quoi de neuf, docteur J, toujours dans la chanson. Quoi de neuf, docteur J, il paraît que Corbier t'a inspiré. Quoi de neuf, docteur J, ta barbe elle doit pousser. Dis-moi, à la télé, je t'ai cherché, je ne t'ai pas trouvé. Dis-moi, je sais qu'au moins, à la radio, j'ai pu t'écouter. Quoi de neuf, docteur J, comment va ta vie? Quoi de neuf, docteur J, as-tu beaucoup d'amis qui viennent chez toi de temps en temps boire l'apéro? Quoi de neuf, docteur J, est-ce que t'as de l'accro? Quoi de neuf, docteur J, t'es pas un peu narcissique? Quoi de neuf, docteur J, pour chanter sur cette drôle de musique? Quoi de neuf, docteur J, c'est fantasmagorique. Partons en évasion, le temps d'une chanson. Quoi de neuf, docteur J, oublions nos soucis. Quoi de neuf, docteur?